Kisana, kwa makana kana limo. que ça va? Est-ce que ça va? Alors on est ensemble. Ne vous fatiguez pas, on est ensemble.